Dans les papiers de la victime, on retrouve un brouillon de lettres. Voilà une nouvelle piste. Est-ce que Madame Rabault connaissait un secret? Est-ce qu'elle faisait du chantage? Il faut d'abord trouver qui est à la tête de la CRED. Après une brève enquête, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un certain Alfred Meurant, homme d'affaires plus ou moins corrompu, qui avait déjà eu affaire avec la justice, justement pour une histoire de corruption. Alfred Meurant devient donc le suspect numéro un. Il est recherché par la police. Arrêté, Alfred Meurant est interrogé par la police. Il commence par nier les faits et protester de son innocence. « Je ne connais absolument pas Madame Rabault, je suis innocent. » Mais les policiers ont la preuve qu'il ment. Meurant reconnaît son crime et avoue. « Il y a 10 ans, j'ai détourné des fonds destinés à une organisation humanitaire. J'ai falsifié des chèques et donc escroqué les donateurs. » Alfred Meurant était donc un escroc. Madame Rabault faisait effectivement du chantage et menaçait Alfred Meurant de le dénoncer à la police s'il ne lui donnait pas d'argent. Ruiné, Alfred Meurant a pris peur et a abattu Madame Rabault. Il a agi sans complice. Personne ne l'a aidé. Il n'a pas eu de complicité, parmi les voisins par exemple. Alfred Meurant a donc été accusé d'escroquerie et d'homicide volontaire. Pendant son procès, il a été défendu par un avocat, Maître Daru. Meurant a été condamné à 10 ans de prison et incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis.